Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez. RLM. Lee John of Imagination. You're listening to Illusion. RLM. RLM, c'est toujours aussi bon. Il est 20h et vous l'avez compris, c'est l'heure de votre émission préférée, 120 au compteur, comme tous les mardis soirs, jusque 22h, avec une équipe au complet ce soir, quasi au complet, avec en guest star notre ami Stéphane. Oui, bonsoir, bonsoir. Qu'on te retrouve ce soir donc pour le Défi Mix. Le Défi Mix mensuel, ça y est, voilà. De retour. Et ouais, ça on y est prêt, on est chaud. Voilà, donc bah, t'es vous toujours avez... chaud. On a des petits yeux. Voilà, et toi, tu vas nous faire un Défi Mix, plusieurs séries. Deux, trois sessions, on l'espère en tout cas, trois sessions, ça nous fera bien plaisir. Tu nous parleras aussi d'une aventure DJ Contest qui s'est bien passée là. Qui s'est passé ce week-end. Voilà, qui s'est passé ce week-end, tu nous en parleras. Nous sommes également avec alors Hélène Crête, normalement, mais là elle ne l'a pas mise, mais elle la mettra, on fera des photos. On fera des photos, et on fera des photos, on la mettra sur Facebook évidemment. Nous sommes avec Marine. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va bien? Ça va et toi? Voilà, Marine qui fait maintenant officiellement partie de l'équipe RLM. Ouais, je suis contente. Voilà, ah ben nous aussi. Voilà, donc que vous écoutez, c'est tous les midis, hein, c'est ça. Hein, Ouais, ben, je suis passée vendredi à 14h. Ouais. 14h, 16h. Oui, donc... on a écouté, c'était bien. Donc voilà, voilà. Voilà. Marine la cuisinière, je précise. Ah oui, exactement. Et on expliquera pourquoi. Et plus la stagiaire, du coup. On peut plus l'appeler stagiaire. Et c'est vrai. Non, puisqu'elle est animatrice. Fini maintenant. Les gâteaux. Et ouais, voilà, exactement. C'est le dernier jour, là, aujourd'hui. Vous avez entendu aussi une deuxième voix féminine. Elle est avec nous. C'est la belle. C'est l'adorable Onisa. Hello, j'espère que vous allez tous bien. Eh ben, écoute, très très bien. Alors, toi, on va te retrouver évidemment avec une petite chronique rétrospective sur un. Moi, bon, sur un feuilleton qui a forcément marqué les jeunesses et qui marque encore aujourd'hui, hein, puisqu'il passe encore, il tourne encore. Tu vas nous parler de. Friends. Ouais. Le fameux feuilleton où tous les 3 minutes. Et on va faire ça. Alors, toute ta chronique, dès que tu arriveras, on va faire. Ça ne m'étonne pas. Bon. Sherlock, évidemment. Oui, bien notre, sûr. Notre monsieur cinéma, Magic Sherlock. Oh, oh yeah. Non, c'est fini. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc, tu vas nous parler évidemment de sortie Cinoche. Ben, bien sûr, à 21h30, mais avant, à 21h, je vais vous parler d'un film. Quelle année? 92, 92. D'accord. Yeah. Alors moi, me concernant, un petit carnet noir, et ça me fait vraiment de la peine. Je pense que les gens s'en rappellent, les gens d'une quarantaine d'années. C'était Corbier, hein, qui a fait partie du club Dorothée, ah ouais. Et qui nous a quittés dans la nuit de samedi à dimanche. Alors c'est quelqu'un qu'on appréciait énormément, qu'on a eu l'occasion de croiser plusieurs fois, d'avoir en interview plusieurs fois. Et on fera une rétrospective de Corbier. On parlera très vite des années 80, parce que sachez quand même que dans les années 2000, il avait aussi une belle carrière. Et bien, on lui fera aussi un petit hommage donc à François Corbier qui nous a quittés. Donc je le rappelle, dans la nuit de samedi à dimanche. Coupure musicale, et puis après, on fait un premier tirage du Défi Mix. Oui, et par ce temps, on va s'écouter Voilà l'été. Voilà, ah, bien. J'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir le plaisir de la vie. C'est le retour des amours qui nous chauffent les oreilles. Il fait si chaud, il nous pousse des envies. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles. Les dieux sont ravis. Se transforme en phobie. Le métro sud devient purulent. Dans ses yeux plutôt relaxant. On rêve de plage et la Seine est jolie. Toujours l'été, c'est pas du superflu. Trop chaud, le soleil m'a pas ourdi. Riez sous les bras, j'avance dans la rue. Je pense à ces cons qui se font chier dans le lit. Tous ces torches qui vont cuire dans leur jus. Tous ces noyés, le mer, quelle saloperie. Et sur les routes, le danger, ça vous tue. Vivement l'automne, je me sens tout aiguille. L'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, la chair s'éclaircit. Même dans ma tête, tu bourdonnes les abeilles. J'entends rugir les plaisirs de la vie. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, la chair s'éclaircit. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail. Les filles sont belles et les vieux sont ravis. J'adore. Donc c'était évidemment les Négresses Vertes avec Voilà l'été. Négresses Vertes qu'on avait eu l'occasion d'avoir en interview il y a quelques temps lorsqu'ils étaient passés sur le podium de Top 50, hein, c'est ça hein. Oui, c'est ça. Oui. C'était voilà. Stéphane Molina. Ouais, absolument. Donc l'un des leaders donc, du groupe des Négresses Vertes. Ce soir, je le rappelle, nous sommes avec Didi. Stéphane, je crois. Je pense. Oui, non, mais carrément. Alors, avant de procéder donc au tirage au sort, effectivement, ce week-end, belle aventure, puisque tu as vécu donc le DJ Contest. Oui, je vais expliquer, hein, mais du CCRT Festival, donc ouais. Festival Quartier du Risque-en-Tout à Moucron, et qui, entre différents concerts, prestations DJ, a organisé le samedi après-midi un DJ Contest. Pas mal. Et donc, on était 7 ou 8 participants à mixer sur une session d'une grosse demi-heure. Donc, devant un jury. C'est cool. Qui le jury? Et alors dans le jury, on retrouvait différentes personnes. Au niveau DJ, on avait Andy Clay, Slidy, je pense qu'il devait être aussi dans le jury. Il n'y avait pas Alex Morgan, j'ai vu Alex Morgan sur les photos, non? Non. Il n'y était pas? Non. Dans le jury. Après, il y avait d'autres personnes qui font partie du CCRT Festival. Ouais. Et donc, finalité, eh bien, j'ai été retenu, donc finaliste, et donc premier et du DJ gagnant. Alors. Wow, bravo. Ah ouais, félicitations. Ouais. Merci. Notre David Guetta à nous est sur RLM. Et ce qui m'a permis, oui, de jouer, donc ensuite de rejouer une heure pour faire l'ouverture de la soirée sur la scène extérieure. Donc avec le sable en plus qui avait été mis pour faire un petit côté plage, et c'est vrai qu'avec la chaleur qu'il faisait. Ah ouais, bah, c'est le top ça. Voilà, on a ce petit côté Ibiza Moucron, et voilà, je me suis fait plaisir. Et ben félicitations, ah bah, ouais, tournée, cool. Hein, tournée générale pour Didi Stéphache qui a remporté le prix du voilà, Didi Contest. Et je sais pas si jamais il y a des personnes qui sont à l'écoute, qui font partie du CCRT, ben je tiens en tout cas vraiment à les remercier, en particulier la team Van de Piet, hein, puisqu'il est vraiment l'initiateur de ce festival. Absolument. Oui, et donc on se retrouve, on peut déjà dire qu'on va se retrouver l'année prochaine pour la prochaine édition, puisqu'on bien. Est retenu les 5. Pour la première partie de Bob Sinclair ou de David Guetta, ce serait bien. On avait DJ HS quand même samedi. Hein, ah ouais, c'est cool. Marrant, t'aurais pu t'appeler DJ HS. Ouais, c'était déjà pris. Hein. Bah oui. Bon, eh ben, on vient de faire le tirage au sort pour la première session donc, du défi mix. Stéphane, prépare-toi. Prépare tes beaux petits doigts parce que tu vas devoir mixer des titres, à mon avis, pas piquer des verres, pas piquer des hannetons. J'en vois déjà un qui me plaît bien, oui. Alors, Marine. Non, celui-là, j'ai pas réussi à aller. Allez, à toi de jouer. T'avais ton doigt sur le titre. Premier titre. Alors, premier, Cassius Feeling for You. Alors, tu dois le chanter. Moi, j'ai parlé de Cassius. D'accord. Et partenaire particulier. Et avec partenaire particulier. Donc, titre éponyme, n'est-ce pas? Tout à fait. On y sort. Moi, Jean-Jacques Goldman, elle a fait un bébé toute seule. Ah, ouais. Le début va être compliqué à mixer. Point. Il est très long, en fait, à partir le titre. Plus, c'est vrai. Bon, on va voir et ça. Et après, The Bassmaster, Rhoda House. Alors, si tu te rappelles de Ciel mon mardi. Ouais. Ah oui, Grégory, le Ciel mon mardi. Cool, la chanter. Non, ça va être un peu compliqué, mais. Oui, oui. C'est The Best Master ou c'est The Beatmaster? C'est Beatmaster. The Beatmaster. Ouais, écoute, je fais ce que je veux. Me dis pas que t'as jamais appris à dire le mot beat. Sherlock. Alors, moi, j'ai Play IT avec The Summer is Magic. Ah, bon, oh, oh, oh. Ouais, c'est ça. C'est The Summer is Magic. Oh, oh. Ah, et oui. Ensuite, complètement différent. Gilbert Montagnier avec On va s'aimer. Ah bah, tu t'as vu. Ah, Gilbert Montagnier. Et j'ai eu l'occasion de voir dimanche d'ailleurs. C'est vrai, mais lui, t'as pas vu. C'est vrai, tu l'as vu dimanche? Ouais. Ah, il était pas du contest. Ah non, c'était. Non, il était sur Neuville en Ferrin pour la fête des craquelins. Eh bien, bon voilà, juste pour dire que je partais avec des a priori. Eh bien, franchement, c'était un show excellent. Ah ouais, des musiciens, trois choristes, enfin vraiment. Et les partitions sont en braille ou pas? Oh, je pense qu'il n'y a pas besoin de partition, il se débrouille. Ouais, je crois qu'il connaît tout. Connaît tout par cœur. Ok, et eh ben écoute, petite coupure musicale le temps que notre ami Stéphane. Ouais, bah écoute, je te donne exactement 8 minutes 41. Oh, bah ça va aller, j'ai le temps de faire un tour de 8 stade. 8 minutes ouais, vas-y. 8 minutes, c'est Purple Rain de Prince. Ah, ça c'est bon. Ça. Allez, c'est parti. Purple rain, purple rain. You know what I'm saying about a miracle, raise your hand. sur la fréquence. Premier sur les hits. Premier sur les hits. RLM, tous les jours. Le meilleur des années 80 à nos jours. RLM. 107.9 FM. Avec toute l'équipe qui est avec nous, avec Stéphache, oui, avec oui, Marine, oui, avec Odissa, yeah, Sherlock, oui, et moi-même. J'espère que vous allez bien derrière votre petit poste tout pourri, comme dirait je ne sais plus qui d'ailleurs. Mais, je te rappelle de ça, il y avait un des artistes qui a dit « Ouais, vous êtes derrière votre petit poste tout pourri ». Je sais plus, c'était un jingle qu'on avait à l'époque. Ça me reviendra, mais bon. Ouais. Non, je sais que Stella parle de poste, mais. Ouais, ouais, mais je sais plus qui. Mais poste pourri, je sais pas. Je me demande si c'était pas Gotener, qui dans le jingle disait. Ouais, ah, peut-être. Vous j'en ai un Gotener, mais il parle pas. Votre petit poste tout pourri, enfin bref. Donc voilà, avant de passer à la première session donc, de Stéphache, que vous attendez avec impatience, bah, et le 14 juillet, c'est la fête nationale en France, évidemment. Oui. On est frontalier avec Waterloo, vous connaissez. C'est la programmation du concert de Waterloo cette année. Bah, je l'ai vu passer sur Facebook. Oui, voilà, alors vas-y. Alors Sabine Paturel. Oui, Sabine qu'on adore. Gene Manson. Et ouais, moi j'adore. Il y a un sosie de Claude François également, il me semble. Sosie de Claude François et sosie de Kadji Girac. C'est ça. Ah, ouais, ouais, voilà. Exact. Bon, allez, les sosies, moi je suis un peu moins fan. Ah, oui. Ceci dit, Claude François, pourquoi pas, parce qu'il est mort. Kenji, pas encore. Hein, donc, ah, bah, peut-être qu'ils ont une info qu'on nous, on n'a pas. Hein, après, ouais. Ou alors peut-être que le sosie de Claude François va chanter des nouvelles chansons. Je sais pas, genre un titre qui s'appellerait Lâcher prise, par exemple. Débranche tous, quoi. Ouais, il fait une reprise de France Gall. Il reprend une reprise de France Gall, débranche. Donc voilà, non mais bon, c'est toujours très sympa. Ça se passe donc au parc urbain, donc à Waterloo, et c'est le 14 juillet. Je vous y invite tous à y aller. Franchement, c'est assez sympa. Il y a aussi le 21 juillet aussi également donc à Moucron, et il y aura Jim Manson exact. Entre autres, je crois qu'il y aura aussi Alain Delorme qui sera là, notre ami Alain qui viendra aussi se produire en première partie, donc voilà, mais on en parlera, il y aura d'autres dates, d'autres lieux où le 14 juillet vous pourrez le fêter en bonne et en bonne uniforme comme dirait l'autre. Ouais, une fois on m'a dit ouais, en bonne uniforme. Harry, ça se passe le 14 ou le 13? Parce qu'il y a des le endroits, 14. C'est le 13. Hein. Ouais, et là c'est le 14. Ah ouais, c'est 14 juillet. Alors le 13 c'est feu d'artifice à Waterloo et le 14 c'est le concert. Okay. J'espère que vous y serez tous nombreux, on y sera. Il y a de grandes chances. Non, mais moi, ouais. Moi j'ai bien envie de faire la bise. J'ai envie de faire la bise à Gene Manson, moi. Ah ouais. Rien que pour ça. Moi j'aimerais bien revoir Sabine Paturel. Ah aussi. Parce que franchement, j'avais passé un très bon moment. Sabine Paturel va faire un aller-retour, donc ça va être assez compliqué. Donc pour l'interview, ça va être un peu chaud. Et on pourra peut-être aller la biser, bien sûr. Ça marche. On lui vendra un jingle. Oui, effectivement. Pourquoi vous riez là? Comme ça. Ah, c'est déjà la chronique de Friends là, il rit tous les 30 secondes. Stéphane, là on rira un peu moins. Ah, tu riras un peu moins. Bon, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, mais ça devrait aller quand même. Hein. Ouais. C'est un petit peu festif. Après cela, nous regardons. Je sais pas ce qui s'est passé, c'était un peu festif hier soir, donc voilà. Un petit peu. Bon, on y va? Eh bah ouais, vas-y, tu démarres avec quoi alors? Tu es curieux? Surprise. Surprise. Allez, on va reconnaître, c'est sûr. Alors. C'est la première session de Stéphane sur RLM. Le défi mix avec DJ Steph H. Je fais comme ça. We'll be right back. story about house. House? What house? House music! House music? Yeah, you know house! Que je trouverai. Mais oui, mais bien sûr. Alors Sherlock, il me fait un signe comme ça, là, tout d'un coup, allez, vas-y, vas-y, on y va, on parle. Donc évidemment, c'est pour voir si tu suivais. Oui, alors là, franchement, heureusement que je te regardais. Hein, parce mais que c'est j'avais... parce que je te voyais te déhancher sur partenaire particulier, donc. Je ah oui, dis, non, mais complètement, mais ris pas. Moi, c'est des titres incontournables dans les soirées. Vous passez partenaire particulier, il y a toujours des gens qui se trémoussent sur partenaire particulier. Oui. C'est vrai. Honnêtement. C'est vrai. Il faut dire qu'avec un BPM pareil, ça donne forcément envie de bouger, accélérer le truc. Ah ouais. Non, même pas. Ah ouais, d'accord. Un morceau qui est comme ça déjà. Ah ok. Et bah écoute, c'était une belle session. Ouais, c'était une ouais, très difficile pour démarrer quand même. Hein. Ouais, c'est vrai que c'était un peu laborieux. On prend des titres encore une parce fois. Parce que bon, me faire le Jean-Jacques Goldman, elle a fait un bébé toute seule pour démarrer, c'était. Ouais, mais oui. Alors, je pense qu'on le fera quand même, on te fera un challenge, mais on décidera nous-mêmes des titres que tu vas mixer. Ouais, ouais. Hein. Moi, je ouais. On pourra le faire, non, ce serait sympa. Le zizi de Pierre Ferré. Le tout, c'est qu'il soit. Par exemple, on te prend ton sac à mix et on te le rendra le mois prochain et on fait un prix nous-mêmes. Oulô. Ouais, mais il faut au moins que j'ai des morceaux. Ouais, ça sera moins des choses. Non, forcément, ce sera dans le sac. Donc. Alors, Stéphane, moi, ce que j'aimerais bien que tu fasses, hein, c'est que tu puisses faire sur notre page Facebook 120 au compteur une liste, par exemple, de 20 titres, tu vois, comme un sondage. Les titres à mixer et les 6 titres que nos auditeurs ont envie que tu mixes. Ouais, on leur demande des propositions. Ce serait pas mal. Ça fait demander aussi des propositions. Et, propose et des propositions. Une vingtaine de titres et les 6 titres qui sont les plus demandés seront mixés dans un défi mix spécial. Ah, ça, ce serait une bonne idée. Tiens, on en parlera en antenne et je t'enverrai la facture. On peut prévoir ça. Parce que c'est payant en plus. Bonissa. Oui. Alors, on va rire là, toutes les 30 secondes. Oui, alors pour une fois, je vais vous parler quand même d'une série de 1994. Parce que je suis souvent dans les années antérieures. C'est vrai, c'est vrai que c'est années 60, pardon. Années 70. Hein. C'est vrai que la dernière fois, Histoire sans parole, bon. Non, c'était Calimero, ça datait de 67. Oui, ouais, mais bon, c'était encore d'actualité. Quoi, donc. Et là, tu vas nous parler de Friends. Ah. Donc, le premier épisode, c'était le 22 septembre 1994. Un mercredi. Ah, ça, je dis pas. Et le dernier épisode, c'était le 6 mai 2004. Ah ouais, pourtant ça tourne encore. Hein. Il y a 10 saisons. Oui, mais ça reste toujours d'actualité. Il y a les fans. Ouais. Donc, est-ce que vous savez l'histoire et un peu les acteurs? Ouais, il y a. Les acteurs, oui. Il y a Phoebe. Si, il y a Phoebe qui dit il est mort le chat. Les acteurs. C'est pas ça. Les acteurs ou les personnages? Ah bah, les acteurs ou les personnages. Ah bah, il y a Jennifer Aniston. Ouais, ça, Jennifer Aniston. Il y a. Une belle brune. Ouais, oui, mais Marine. Mais non. Ah, je suis elle brune. A joué dans Super Mario. Pas vraiment brune. Courtney Cox. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Il y a celui que Joey Star. Non. Matt LeBlanc. Ouais, Matt LeBlanc. Après, je sais plus. Matthew Perry. Ah oui, Matthew Perry. C'est ça. Ouais. Et David Schwimmer. David Schwimmer, c'est ça. Ouf. Ok. Donc en fait, l'histoire, c'est cool. Hein, c'est les péripéties de trois potes et hommes et femmes qui racontent leur déboire, leur bonheur. Ils vivent en colocation, c'est ça hein. Oui, et puis ils se retrouvent. En fait, on a l'impression qu'ils vivent en colocation, mais ils se retrouvent toujours dans leur café préféré. Ah, oui. Central Perk. Ouais. Mais alors, qu'est-ce qui se marre? C'est bien un truc que je déteste dans ce feuilleton, c'est les rires toutes les 30 secondes. Quoi. Oui, mais alors, bon, c'est pas des rires pré-enregistrés. Moi, j'ai un doute, fier de quoi. Non. Alors, aux États-Unis, ils ont une culture comme ça où ils font les séries vraiment en live devant un public. Ouais. Autant en France, ils ont repris ça dans Hélène et les garçons, où là, eux, c'était vraiment des rires pré-enregistrés. Autant aux États-Unis, par contre, c'est en public. Ah bah, je sais pas ce qu'ils ont pris avant. Hein. Tout ce qui est Cosby Show, Madame et Servie, oui, tous ces trucs-là, c'est en public. Tout en public, c'est ça qui est sympa et qui donne une vie. Ah, ok. Ah bon. Donc après, je vous raconterai ce que les acteurs sont devenus. Ah, bah oui, tiens, allez. Ok, bah c'est parti. Bah, on se retrouve après le coup de folie de Thierry Pastor. Allez, j'adore. Mais toi, t'as rien compris. Hein. Fini, folie, fini. m'inscrire à l'Euroquai l'année prochaine. On salue Canon au passage, hein, évidemment, qui n'est pas avec nous ce soir pour des raisons professionnelles. Mais en tout cas, vous, vous êtes là, vous êtes à notre écoute, donc à l'écoute de l'émission 120 au compteur, comme tous les mardis soirs de 20h à 22h. Et là, nous étions en plein cœur d'un feuilleton que vous connaissez, Friends. Yeah. Bon, alors, est-ce que vous saviez ce que les acteurs et les actrices sont devenus à l'heure actuelle? Parce que... Bah, Jennifer Aniston a fait pas mal de films. Oui, elle, elle a cartonné, franchement. Ouais, Courtney Cox a fait Scream. Oui, c'est le seul truc d'ailleurs dans lequel elle a bien, bien réussi. Parce que c'était pas top. Après, il y a Lisa Kudrow, celle qui fait Phoebe. Phoebe. C'est toujours mon accent, moi. Elle, elle a bien réussi, mais plus comme productrice. Elle est productrice d'une web série, le Web Therapy. Ah bon. Alors, les garçons, par contre, Matt Leblanc, lui, il n'a jamais vraiment eu de succès. Oui, il a fait une série de Joey. Ouais, mais ouais, c'est ce qui lui a permis d'aller de s'en sortir un petit peu. Mais lui, il se consacre plus à sa passion pour la course automobile et on le voit plus dans l'émission Top Gear. Ah ok, ouais, avec le Stig. Ouais, ça, c'est plus son truc. Après, il y a Matthew Perry. Bon ben lui, il a vraiment jamais eu de chance, donc il a tout arrêté et il y a une série qui est arrivée. Et mais par contre là la série c'est en fait un remake des années 70, mais il est acteur, producteur et et elle s'appelle comment la série? The Old Couple. Ouais, nous on connaît pas le vieux couple. Ouais. Ça dépend, tu l'écris comment, Couple? C'est avec un stylo. Avec un stylo, du con. Et par contre, David Schwimmer, lui, il a quitté le cinéma, mais il est passé derrière la caméra. Et il fait un carton, lui, par contre. Il fait une super carrière. Ah ouais? Ah ouais. Et donc, il est producteur ou caméraman? Producteur et. Ah oui, réalisateur. Caméraman. Il était juste caméraman. Il a réussi, il est devenu pigiste. Alors, en fait, il bosse, lui. Oui, ouais. Carrément. Et alors, il faut savoir quand même que tous les six acteurs sont restés vraiment proches. D'ailleurs, Jennifer Aniston est la marraine de la fille de Courtney. Ah ouais. D'accord. Et ils se retrouvent régulièrement. Bah on est content pour eux. Ils s'éclatent. Comme nous, hein, c'est pareil. Donc le ressenti qu'on avait sur la série et les rires et la connexion qu'il y avait entre les acteurs, n'était pas fan. Ouais, d'accord. Bah, je suis quand même un peu étonné parce qu'il devait quand même y avoir parfois un peu des couilles dans le potage pendant le direct. Ouais, mais ça c'est comme. Des trous de mémoire ou des choses comme ça. C'est quand même enregistré, donc voilà, c'est coupé, c'est remonté. Ah oui, mais les rires ne sont pas enregistrés. Oui, d'accord. Donc c'est des vrais rires. Oui. Ok. Et encore vraiment spontané. On se demande. De cette série. Si, tu entends parfois, ils sont éclatés de rire. Eh ben écoute, merci pour cette petite rétrospective sur Friends, donc feuilleton américain qui a marqué évidemment, j'espère qu'il vous a marqué et qu'il vous marque encore puisque ça passe sur les chaînes maintenant, ça passe toujours et encore. On a fait tirage au sort pour la deuxième session du défi Mix 80, soyons fous. Marine. Pas 80, mais. Il y aura du 80. Ouais, il y aura du 80, je suis sûr. Certainement. Ben vas-y. Julien Doré, Coco Caline. Ah là, tu peux le faire. Tu peux chanter. Vas-y. Ah, tu peux le faire. Je peux juste faire le panda. Ma fille est fan. Non, ça n'est pas très radiophonique. Hein, donc, ça passe pas. Avec la crête, ça va être bien. Et Club Land avec Hold On. Ah, Hold On. C'est vache. Années 90, dans les années 90. Ouais. Titre électro, mais ouais, bien, je trouve. Électro-dépôt. On ne cite pas de marque à l'antenne, s'il vous plaît. Ah oui, il y a moi aussi. Ah bah oui, il démarre pas. Il est fatigué. Fatigué aussi. C'est à qui? Au confinement. Titre des années 80 avec Eurythmics, avec Would I Lie to You. Ah, les chants. Ouais, c'est pas de facile. Would I Lie to You, baby. Would I Lie to You. Non, c'est Charlie. Oui, c'est ça. C'est assez spécial comme titre. Assez rengaine, mais je vois lequel c'est. Effectivement. Ça va. Et ensuite, j'ai Bob Sinclair avec Kiss My Eyes. Ah ouais. C'est là où il s'embrasse pendant tout le clip, sur la bouche. Non, c'est pas celui-là. Je crois que tu confonds avec Damon. Pas You Are My Kiss My Ass. Ah ouais, d'accord. Ça doit être intéressant. Kiss My Eyes, hein, traduction, embrasse mes yeux. Bon, pourquoi pas. On peut commencer. Ok. Sur... Ouais. Alors moi, j'ai Gold avec Capitaine Abandonné. Ah ouais. Et ensuite, j'ai Rosala avec Are You Ready to Fly? Are You Ready to Fly? C'est ça. Il nous fait tous les. Ça, c'est année 90. Ça doit être 91, je crois. Ouais, on est dans ces eaux-là. Ouais. Je vous rappelle que c'est le principe. Voire même toute fin des années 80, peut-être. Vous donnez le titre, il faut le chantonner, c'est le principe. Et bah oui. Il fut un temps où on avait un gage si on le chantonnait pas. Oui, mais on te laisse faire, tu chantes très bien. Ok, et ça, bah, ce avant ne sont de retrouver pas des enregistrés, je vous le dis, la seconde session donc, de notre ami Stéphane chez le Rétro Ciné 80, eh bien, on va faire une coupure musicale. Non, le Rétro Ciné, tout court. Ouais. Lui, il veut rester dans les 80. Mais non, moi, je suis bloqué dans les années 80. C'est ça, ouais. Pour une fois que je suis chronique dans les années 90. C'est ça, c'est Onissa qui t'a perturbé, en fait. Et vous avez vu que maintenant, on ne peut plus être à 80 à l'heure. Ah si, on doit être à 80 à l'heure maintenant. Oui, oui, c'est vrai. Quel dommage. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Exact. Il y a une nouvelle loi qui sort comme quoi maintenant on doit être à 80 à l'heure, mais nous chez nous on est voilà, à 120 au compteur. Et oui, alors on va se retrouver juste après Aerosmith avec Crazy. Ah on retrouve Alicia Silverstone dans le clip et Liv Tyler, la chanteuse, la fille du chanteur Steven Tyler. Et un harmoniciste oui, hors pair. Exact. Allez. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good. Yeah. Première sur la fréquence, premier sur les hits, RLM, 107.9 FM. Et nous sommes de retour dans l'émission 120 au compteur sur le RLM 107.9. Sur le RLM, maintenant. Bah oui, sur le RLM 107.9. Le R veut bien dire le registre. Le retour. Le retour. Et donc c'était donc Aerosmith avec Crazy, ça date de 93 ce titre. Absolument, tiré de l'album Get a Grip. Get a Grip, exactement. Absolument. Où on voit sur la pochette un pit de vache avec un anneau. C'est vrai, ouais, sur le pit de vache. C'est vrai. Ouais. Alors donc là je vais vous parler donc d'un film qui date de... Alors, 92 aux États-Unis, de 93 en France et en Belgique. Ah ouais, décalage. J'allais dire le titre. Ouh, tu pourrais, hein, si tu veux. Quand tu m'as dit ouais, ça va prendre 2 minutes, je t'ai dit non, moins, mais là ça allait vraiment prendre moins en fait. Alors le film est sorti exactement le 24 novembre 1993. Un mercredi. Oui, effectivement, c'est un mercredi. Et c'est le réalisateur John Musker qui était aux commandes. Ah. Et la musique est de Alan Menken et Tim Rice. Ah ouais. Tim Rice a un rapport avec Michael Jackson. Pas du tout. Bah ouais, je sais bien ce que je me disais. Mais ça a un rapport avec Starmania par contre. Enfin, avec Tycoon, ouais. Tycoon, ouais. Mais enfin, ça n'a rien à voir, par contre. Non, c'est bien ce que je disais, ça n'a rien à voir. Alors, donc, il faut savoir que le film a fait 7 342 970 entrées au box-office français. Ah oui, tout de même. Ah oui, quand même. Okay. Il a eu 3 prix, dont 2 Oscars et un Golden Globe, et 6 nominations, dont 3 Oscars, 2 BAFTA et un Golden Globe. Ce qui est quand même pas mal. Ouais. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y a dedans Eric Métayer, Féodor Atkin. Ah, Eric Métayer, le Richard Darbois. Richard Darbois, la voix. C'est la voix de Stallone. Non. C'est mais c'est un film d'animation, ton truc là. Ah oui. Ah oui, évidemment. Alex Métayer, qui est le fils de. De Eric. De, oui. Eric Métayer, je crois. Non, là c'est Eric Métayer qui est le fils d'Alex Métayer. D'Alex Métayer, ouais, c'est ça. Okay. Alors, je vais vous faire écouter une première chanson. Écoutez bien, je pense que vous allez trouver déjà dès cet extrait. Ouais, bah oui. J'ai déjà trouvé. Moi je viens d'un pays de désert infini où les caravanes rêvent et flânent. Où pendant ton sommeil, les serpents t'ensorcellent. C'est bizarre ça, mais hé, c'est chez moi. Quand le vent vient de l'est, le soleil est à l'ouest et s'endort dans les sables d'or. C'est l'instant envoûtant, volant tapis volant vers la magie des nuits d'Orient. Aux nuits de la vie, mille et une folies. D'amour plus chaud à minuit qu'au soleil en plein jour. C'est vachement compliqué. Ah oui. Ah oui, mais évidemment. Ah ben oui, un très très beau dessin animé d'ailleurs. Oui, alors je vais vous passer tout de suite un extrait du... Alors est-ce qu'on peut te donner un indice ou pas? Oui, bien sûr. Un indice, deux culs. Deux culs, bah oui, parce qu'il y a un moment où on voit des personnages à cheval. Et il y en a un qui dit hey, il a deux culs. Oui. C'était pas Statista que j'aurais pensé tout de suite. Ouais, ah bah, contexte, oui, mais que, si, wow, si. Effectivement. Ouais, Marie, t'as trouvé. Ah ouais, mais pas avec les deux culs, mais. Je vais vous passer un extrait de dialogue, écoutez bien. Salam, je vous souhaite le bonsoir, mon noble ami. Approchez, approchez, venez plus près. Ouf, trop près, un peu trop près. Voilà. Bienvenue à Agrabah, cité de la magie noire et de l'enchantement. Et les plus belles marchandises de ce côté du Jourdain en solde aujourd'hui, profitez-en. Regardez, oui, un combiné narguilé et cafetière qui fait aussi les pommes de terre frites. Incassable, incassable. Alors, on a un autre indice qui nous vient de Marine. T'as un autre indice? Ouais, Saint-Maclou. Si ça peut aider quelqu'un. Évidemment. Oui. Et t'as tous les auditeurs qui sont. Bon, qu'est-ce que c'est? Alors, parce que je sens qu'il y a des auditeurs qui n'ont pas encore trouvé. Alors, si les auditeurs veulent nous donner la réponse, surtout n'hésitez pas sur notre page Facebook. Ah oui, bien sûr. 120 au compteur. Donc, évidemment, vous allez retrouver sur Facebook. Donnez-nous la réponse. Et vous pouvez remporter des places pour un cirque, justement. Oui. On vous fait gagner, si vous nous trouvez la réponse, on vous fait gagner donc une place pour un cirque. Deux places. Deux places. Ouais, parce qu'il faut aller en compagnie. Le cirque qui est est en sur Femme du Flora sur le. C'est ça, oui, c'est le Circus Universal. Voilà, donc on vous fait gagner deux places si vous trouvez donc le titre du film. Donc on va pas vous le citer tout de suite. Alors vous le faites sur Facebook, hein, sur la page 120 au compteur, et Circus vous pourrez Party, remporter donc ces deux places. Alors je vous fais écouter donc l'extrait qui suit. Écoutez bien, et là vous allez me trouver tout de suite le film. Ouais, mais on comment peut pas veux-tu dire qu'il nous fasse sortir d'ici? Il va falloir qu'on se débrouille tout seul. Excuse-moi, dis donc, je suis là ou pas? T'as bien frotté ma lampe? C'est toi qui m'as réveillé, il me semble. C'est toi qui m'as fait venir. Et voilà que maintenant, tu veux me laisser tomber? Mais il n'en est pas question, je regrette, j'y suis, j'y reste. T'as droit à tes trois souhaits, alors ici! Les issues de secours se trouvent ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, dans tous les coins. Gardez les mains et les bras à l'intérieur du tapis. Et c'est parti! Et voilà, donc... je ne sais pas s'il y a eu des réponses sur le Facebook, j'ai pas d'accès direct au Facebook, mais Harry va s'empresser d'aller le voir dans pas très longtemps. Ah bah oui, non, alors moi forcément je vous regarde. Avez trouvé le titre du film, et je vais vous mettre la chanson emblématique du film, c'est donc... Ce rêve bleu... Oui, bah ça c'est pour la chanson. Bah c'est pas la chanson emblématique. Bah oui. Mais le titre du film. Bah, le rêve. Ah non. Je vous passe la chanson bien après. Ouais. Bah oui, évidemment. Allez, je vous mets la chanson. Je vais t'offrir un monde où mille et une splendeurs. Dis-moi, princesse, n'as-tu jamais laissé parler ton cœur? Je vais ouvrir tes yeux aux délices et aux merveilles de ce voyage en plein ciel au pays du rêve bleu. Ce rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleur où personne ne nous dit, c'est interdit de croire encore au bonheur. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. C'était donc ce rêve bleu donc du film Aladdin. Et on a un gagnant. On a un gagnant, ouais. Marine. Oui, Marine. Ouais, Marine, ouais. Rico de Luynes. Rico de Luynes qui nous a envoyé donc un message par Facebook. Et donc effectivement, vous l'avez trouvé facilement Aladdin. Oui, donc, c'était facile. Ouais. Alors. C'était facile. Donc quoi, Rico, effectivement, d'ailleurs. Donc ce qu'on a entendu chanter à l'instant, c'était Paolo Domingo et Karine Costa. Il faut savoir que pour le générique de fin du film, c'est Daniel Lévy qui reprend la chanson avec Karine Costa. Mmh. C'est alors. Étonnant, hein. Oui. Mais il a. Enfin, c'est étonnant, je trouve. Je vais vous donner un petit peu le pitch du film pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui n'ont jamais vu, les plus jeunes, on ne sait jamais. Hein. Alors qu'elle se trouve en mission. On est troublé. On est tous un peu fatigués quand même. Hein. On voit que hier, il y a eu un gros événement. Alors là, il y a un tueur en série qui arrive. Quoi. Non, en fait, c'est le méchant de l'histoire en fait, qui s'appelle Jafar, oui. Qui cherche à avoir une lampe magique pour demander trois souhaits à un génie pour devenir calife à la place du calife, enfin grand vizir en fait, et en gros il lui faut un cœur pur pour pouvoir aller chercher cette lampe. Et il tombe sur Aladdin, qui lui va aller chercher la lampe, va se laisser enfermer et ensuite va ressortir et va lui arriver plein d'aventures. Il va tomber amoureux de la princesse Jasmine. Effectivement. Alors, souvent Disney s'inspire d'acteurs pour créer ses personnages. Ce fut le cas pour Aladdin, inspiré successivement de Michael J. Fox et Tom Cruise. C'est vrai. L'apparence de Jasmine fut pour sa part inspirée de la belle Jennifer Connelly, mais également de la sœur de son animateur, Mark N. Alors, moi. Bah non, moi non plus, l'animateur je le connais pas, mais Jennifer Connelly, oui, elle est connue. Oui. Robin Williams interprète le génie et le narrateur dans la VO. C'est la première fois qu'une célébrité inclue dans la distribution d'un grand film d'animation servait d'élément à la promotion. Robin Williams a tellement improvisé qu'il a fallu plus de 16 heures d'enregistrement. Wow. Il a pourtant accepté d'être payé au plus bas salaire d'un acteur de studio, à condition que sa voix ne soit pas utilisée pour du merchandising et que le génie occupe moins de 25% de la place sur les affiches et dans les bandes-annonces. Ces quelques règles ne furent pas respectées et Robin Williams se brouilla avec Walt Disney Company. Oh, bizarre, dans le second opus, donc le retour de Jafar et la série Aladdin, le génie est ainsi donc doublé par Dan Castellaneta. Entre autres, des excuses publiques amenèrent finalement Robin Williams à revenir pour Aladdin et le roi des voleurs, donc qui est le numéro 3. Pour animer le pantalon baggy que porte Aladdin, les artistes se sont inspirés du style vestimentaire du rappeur MC Hammer. Ah bon ? Ouais, ouais. Dans You Can Touch This, tu vois le pantalon qu'il a, c'est le pantalon qui est inspiré pour Aladdin. D'accord. L'animateur qui ça je ne sais pas. L'animateur qui s'occupa du personnage de Jafar s'est beaucoup inspiré de la sorcière maléfique qui sème la terreur dans La Belle au Bois Dormant. Outre leur malveillance, les deux personnages ont en effet en commun un sceptre magique, un oiseau comme compagnon et une transformation finale en monstre gigantesque. Donc Jafar lui se transforme en serpent géant, Maléfique s'étend en dragon. Ah c'est vrai. Alors c'est l'acteur Patrick Stewart qui devait initialement prêter sa voix à Jafar. Donc celui de Star Trek, hein. C'est ça, bah justement. Il fut cependant contraint de refuser à regret à cause d'un conflit d'emploi du temps avec le tournage de la série Star Trek, La Nouvelle Génération. Aladdin est le succès cinématographique le plus important de l'année 92, donc aux États-Unis, récoltant 217 millions de dollars aux États-Unis et plus de 504 millions dans le monde. Sean Griffin indique qu'Aladdin est le premier des rares films de Disney avec un personnage principal masculin à avoir réussi auprès du public depuis Pinocchio et Peter Pan. Donc c'était en 41 et 53 quand même. Hein. Wow. Ah oui. Et enfin, donc, le génie prend tour à tour les apparences de Arnold Schwarzenegger, Ed Sullivan, donc qui est un animateur de Late Show aux États-Unis. Ah oui. Oui. Pinocchio, Alec Guinness, donc qui est Obi-Wan Kenobi dans Star Wars. Groucho Marx, Robert De Niro, Woody Allen, Arsenio Hall, qui jouait avec Eddie Murphy dans Un prince à New York, et Jack Nicholson. Ah oui. Bon, il y en a encore d'autres, mais après, ils sont beaucoup moins connus en France. D'accord. C'est surtout des acteurs américains ou des gens de télé américaine. Bon, vous l'avez tous vu, évidemment, Aladdin. Ouais. Voilà. Donc, tout le monde a apprécié. Très beau dessin animé, c'est vrai. Même Stéphane. Oui. Tu l'as vu. Effectivement. Ouais. Bon, eh ben, écoute, merci pour ce souvenir du film donc Aladdin qui est sorti donc en 94, c'est ça, hein? En 93. C'est ça, oui, c'est ce que j'allais dire. 94, c'est ma série Friends. Ah oui, d'accord, ok. Bon, eh ben, on va revenir en 2018 avec la deuxième session de notre ami Stéphane. Et qui va démarrer avec un morceau des années 90. Je ne sais plus dire exactement, mais plutôt vraiment début 90, je pense. Clubland. D'accord. Eh ben, si, vous avez probablement. Ça me dit rien, moi, le titre. Probablement vous en souvenir, je pense. Alors, n'hésitez pas, pendant qu'il se prépare, à nous balancer vos coms sur les sessions du Défi Mix. Hein, si vous aimez ou pas. Voilà, ouais. Et on adorerait que vous n'aimiez pas, ce serait plus sympa. Mais on le garderait quand même. Ça nous permettrait de le virer quand même. Voilà. On va le garder. Il commence à être connu, arrêtez-le, laisse pas le faire. petite session des films. Plus facile, je vous dirais, je vous avouerai que la première. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Moins de variations de BPM, et puis malgré des titres. Malgré qu'il y ait des titres francophones comme Gold, je sais pas si on avait d'autres. Hein. Par contre, en francophone, je pense pas. Non. Doré. Mais en tout cas, Julien Doré, oui, ah, merci. Oui, et on voit une qui suit. Quand même. Mais oui, il ouais, ouais. Se déguise en panda d'ailleurs. Exactement. Oui. Pandarou. En tout cas, très très belle session. Le temps passe très vite, hein, quand même, c'est vrai. Oui. Donc, avant de retrouver donc les sorties Cinoche, eh bien, un petit hommage à François Corbier, évidemment. Oui. Puisque malheureusement, il nous a quittés dans la nuit de samedi à dimanche à l'âge de 73 ans, qui est pas vieux, hein, quand oui, même. Non, donc, cancer, même. Évidemment. C'est une mode en ce moment, malheureusement. Alors, tout le monde le sait, hein, c'était un auteur, compositeur, guitariste et animateur télé. On l'a connu dans les années 80 dans le club Dorothée. Alors en réalité il avait commencé dans Récréa 2 et ensuite il est parti sur le club Dorothée. Faut savoir très rapidement que sa carrière a commencé dans les années 60 avec son frère, où c'était un duo qui s'appelait donc Guatemala. Oui. Voilà, Guatemala. Et il reprend donc un concept de chanson flash, donc des chansons très très courtes qu'il a empruntées donc à Claude Serra. Alors Claude Serra, c'est le père donc d'Éric Serra, hein, qui a fait la musique, qui a fait beaucoup de musique pour Luc Besson, notamment Le Grand Bleu, on s'en souviendra. En 1964, Georges Brassens lui dit, bah, vas-y, il le pousse à faire du spectacle, et il va faire son premier spectacle qui s'intitule Ne nous flashons pas. Et le spectacle dure 20 minutes avec 40 chansons. Voilà. Donc c'est assez original. Et puis bah, d'ailleurs, justement, on va s'écouter une petite chanson flash pour vous donner un peu l'esprit de François Corbier avec ses chansons flash. Si les profs, on a des instits, là, des maîtres. Ah ouais, c'est vrai, bravo, j'en suis content. C'est pour vous. Si les profs des écoles sont pédophiles, mon bébé, c'est pour que le monopole reste pas chez les curés. Voilà, donc ça va prendre au second degré, bien évidemment. Et donc, il en a fait plein comme ça. Malheureusement, on a très peu de temps pour vous en passer, mais on vous en repassera peut-être dans des émissions futures. Il faut savoir qu'il a été aussi Géo au Club Med. Comme quoi, il y en a beaucoup qui sont passés par là. Et c'est en 1968 que Alain Barrière, puisqu'en fait, il s'appelle Alain Roux, François Corbier, lui trouve son pseudonyme, donc Alain Barrière, hein, Ma Vie, entre autres. Vous connaissez un artiste des années 60. Et du coup, il se fait appeler François Corbier et sort son premier album. Il sera aussi, il fera beaucoup de collaborations avec Gottlieb pour l'écriture de Fluide Glacial, exactement. Et puis ben, pour revenir aux années 80, il va être repéré par Jacqueline Joubert pour faire donc animateur dans Récréa 2. Ensuite on va le retrouver dans le club Dorothée avec les tartes à la crème, j'en passais des meilleurs. Il aura chanté Le nez de Dorothée, Sans ma barbe, plein de chansons comme ça qui ont les poissons d'eau. Voilà, et puis Laisser les mammifères, ah, j'adore. Voilà. Et effectivement, bah, dans les années 90, eh bien, tout s'est arrêté pour des raisons un peu sombres. On ne sait pas trop pourquoi le Club Dorothée s'est arrêté, mais enfin bref. Oh, si, on sait, mais j'en parlerai peut-être. Il y avait des raisons politiques dans tout ça. Il y a Ségolène Royal derrière. Ouais, c'est vrai. Il y avait cette histoire-là. Et donc, bah, ça a été la traversée du désert. Pardon, du dessert. Pas du dessert, du désert. Traversée il du désert. Il aurait, mais par contre. Voilà. Mais il a continué toujours avec sa petite gratte. Et puis, en 2005, il a sorti donc un album qui s'appelle Tout pour être heureux, où il est chansonnier, il est parolier, chanteur engagé. Il n'hésite pas hein, à faire des chansons quand même qui sont assez prenantes sur des sujets d'actualité, des sujets graves par exemple. D'ailleurs, Tout pour être heureux d'ailleurs est un titre assez particulier hein, où il parle quand même plutôt d'une société en berne. Oui. Mais malgré tout, on a tout pour être heureux. Si je vous invite un jour à écouter ce titre, c'est assez sympa. Il aura fait aussi en 2012 donc un live dont j'ai eu le dernier exemplaire. J'ai eu le tout dernier exemplaire du live de 2012, puisque toi tu as le dernier live de Corbier. Oui. Et il a sorti donc un dernier album en 2015 qui s'intitule Vieux Lion. Vieux Lion. Et donc on va s'écouter un titre. Oui, de Vieux Lion. Alors j'ai mis justement ce passage sur la page Facebook de l'émission. Là c'est la chanson qui a été enregistrée en studio, ça s'appelle Alléluia. Voilà, donc c'est pour François Corbier évidemment. On apprécie aussi beaucoup sa femme qu'on a eu l'occasion de rencontrer. Donc on lui adresse évidemment toutes nos condoléances. Et puis François, là où t'es, continue à faire marrer les gens. Voilà, fais marrer Johnny Hallyday, tiens. Et bientôt tu feras marrer Charles Aznavour. Allez. À la clean. nique les épinards à l'heure où le soleil décline. Thérèse tient sur sa poitrine son nouveau-né, son doux tétard. Alléluia, alléluia. Son nouveau-né, son doux tétard. Voilà 8 jours suant, soufflant, qu'elle a mis bas sur sa paillasse. Et depuis ce jour, elle angoisse pour l'avenir du garnement. Alléluia, alléluia. Pour l'avenir du garnement. Elle angoisse, mais le doc a dit: ton fils est fait comme une Rolex. Un grand cerveau de coronet, il repeuplera le pays. Alléluia, alléluia. Il repeuplera le pays. Mais Thérèse dit: faribole, moi j'avais rêvé d'un bambin avec le QI du boudin pour en faire un pro du football. Alléluia, alléluia. Pour en faire un pro du football. Et elle ajoute la voix triste, hélas il n'est pas poitrineur. Et sans l'asthme et sans le cancer, il sera pas champion cycliste. Alléluia, alléluia. Il sera pas champion cycliste. Et bien sûr elle a deviné, sans les astres ni les prophètes, que si le gamin est honnête, jamais il ne sera banquier. Alléluia, alléluia. Jamais il ne sera banquier. Au fond de la poubelle. Alléluia, alléluia. Le gosse au fond de la poubelle. Alléluia, alléluia. Le gosse au fond de la poubelle. Donc un titre issu de son dernier album, c'est ça Sherlock? Oui c'est ça, de l'album Vieux Lion. Voilà, donc vous pouvez encore retrouver hein, sur internet évidemment, puisque bon c'est des albums que vous retrouvez pas forcément dans les bacs. Alors si vous avez encore cette image de Corbier, le rigolo à la tarte à la crème, croyez-moi ça n'a plus rien à voir. Il est il était toujours rigolo mais sans les tartes à la crème. Hein. Ah ouais absolument, et puis un guitariste hors pair, oui. En l'ayant vu plusieurs fois en concert, même toi d'ailleurs. Hein, oui oui. Il a plusieurs grades sur scène, je sais même pas s'il en a 6 ou 7 et puis il joue merveilleusement bien. Donc là on a procédé au tirage au sort pour la dernière session de notre ami Stéphage pour le défi mix 80 jusqu'à aujourd'hui. Il s'est bien rattrapé. Oui ça va, tu m'as fait peur. Marine, qu'as-tu oui. pour tirer au sort? Alors, Fine Young Cannibals avec She Drive Me Crazy. Donc c'est The Fine Young Cannibals avec She Drive Me Crazy. J'ai toujours le bon accent. Hein Celui qui a une patate chaude quand il chante. Non, c'était plus le naziard. C'est pas faux non plus, c'est pas faux. En parlant de naziard, Ronissa, t'as choisi quoi? Moi, magazine 60. Rendez-vous sur la Costa del Sol. Wow. Avec Red Jacob d'ailleurs. La Costa del Sol. On a un ami footballiste avec nous. Qui fait donc l'émission tout XLFM. Footballiste. Bah, si grand Jojo, il disait le footballiste. Parce que vous avez l'émission XLFM hein, tous les lundis soirs 19 à 20h, donc avec Nicolas qui est avec nous et qui nous fait le plaisir de nous faire un petit coucou. Et donc je sais pas pourquoi je vous disais ça, mais. Je sais pas. Oui, parce qu'effectivement, Magazine 60, c'est Redja Cort qui est derrière et Redja Cort s'occupe du RC Lens en France. Donc voilà. Ah donc, oui, faire... D'accord, oh là. Oui. Ouais, c'est vrai que on est parti. Et moi j'ai Depeche Mode avec Soothe My Soul. Ouais. Ah bien. Et puis moi, bah, pour changer de registre, j'ai Depeche Mode avec Enjoy the Silence. Ouais. Ouais. Double Depeche Mode pour terminer. Ah ouais. Voilà. Donc, yeah. Un ancien et puis un récent. Et ben bah, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on se fait bah, une coupure musicale, sortie Sinoche, et puis après, on laisse les le petits doigts de notre ami Stéphache pour et la bah, avec session. Le son belge de Gauthier et Kimbra avec Somebody That I Used to Know. Ok. You felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still sur RLM. RLM. Ouais, c'est ta chronique ciné. Ah ouais, mais je vais prendre la parole maintenant. Alors, vas-y, annonce-moi pour sa chronique ciné. Excuse-moi, j'étais occupé, c'est pas bien, j'étais occupé de manger les super gâteaux que Marine nous a apportés, et c'est sa maman. Véro qui les a cuisinés. Et en merci encore à Véro. On l'embrasse très fort. Voilà. Je vais même te préciser qu'après ce que tu as dit sur Charles Aznavour, je suis pas sûr que t'en auras demain. C'est les derniers. Ouais. Peut-être. Mais donc. C'est maintenant les sorties Cinoche. Oui, effectivement. Donc les sorties Cinoche pour la Belgique et pour la France. Je vais commencer avec la Belgique, avec le film Show Dogs, Drôle de chien. C'est avec Will Arnett, Natasha Lyonne et Alan Cumming. C'est un film de Raja Gosnell. On n'a pas encore de date pour la France. Et donc c'est Frank et son chien Max qui forment un duo d'enfer au sein de la police. Alors qu'ils se rendent à Las Vegas pour des vacances bien méritées, ils apprennent la disparition d'un bébé panda. Alors je ne sais pas si c'est un panda roux, mais qui était au... le duo découvre rapidement que le salon canin en cours est lié avec cette disparition. Ils vont alors infiltrer le salon et se faire aider par plusieurs chiens pour résoudre cette affaire. Et ils l'ont retrouvé le panda, à la blomerie. Ah, ben, voilà. Ensuite, le film Sicario, la guerre des cartels. C'est avec Benicio Del Toro, Josh Brolin et Isabella Moner. C'est un film de Stefano Sollima. Et c'est sorti en France donc le 27 juin, donc la semaine dernière. Donc les cartels mexicains font régner la terreur à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Rien ni personne ne semble pouvoir les contrer. L'agent fédéral Matt Graver fait de nouveau appel au mystérieux Alejandro pour enlever la jeune Isabella Reyes, fille du baron d'un des plus gros cartels, afin de déclencher une guerre fratricide entre les gangs. Mais la situation dégénère et la jeune fille devient un risque potentiel dont il faut se débarrasser. Face à ce choix infâme, Alejandro en vient à remettre en question tout ce pour quoi il se bat depuis des années. Donc c'est la suite du premier Sicario, vous l'aurez compris. Ah ouais, non, je n'avais pas compris, moi. Je ne connaissais pas le premier déjà. Donc Là, je te le dis, c'est la suite du premier. D'accord, merci. Alors, ensuite, on passe à la France, mais enfin, de toute façon, les deux que je vais citer sortent en Belgique également. Donc c'est Tamara 2. La suite de Tamara, hein, si tu n'en as pas compris. Il y avait un 1, ouais, voilà. Ouais. Donc c'est avec Héloïse Martin, Ryan Bensetti et Annie Cordy. Ah eh ouais, qu'on n'avait pas vu depuis un petit bout de temps sur les écrans. Et profitez-en, hein, parce que à mon avis. Tout le monde se sert. Et c'est un film de Alexandre Castagnetti. Donc c'est Tamara qui est séparée de Diego, donc qui est joué par Ryan Bensetti. Elle est séparée depuis 2 ans. Elle quitte enfin le nid pour vivre l'aventure étudiante à Paris avec sa copine Sam. En galère d'appartement, elles acceptent une coloc avec Wagner, donc c'est un des élèves qu'elles connaissaient déjà. Problème, Richard. Diego fait partie du lot et il n'est plus célibataire. Pour Tamara, qui rêve d'oublier sa petite vie de province, ça commence mal. Voilà, une petite comédie française bien sympathique, un peu love. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Le premier était sympa, franchement, c'est tiré d'un bouquin, hein. C'est tiré d'une BD. Hein. Ah oui, oui, oui. Ouais. Et enfin, je vais finir avec American Nightmare 4, Les Origines. Oh là là, donc c'est avec Marisa Tomei, Steve Harris et Ilan Noel. C'est un film de Gerard McCurry. Et donc ça sort également en Belgique demain. Et donc pour faire passer le taux de criminalité en dessous de 1%, le reste de l'année, les nouveaux pères fondateurs testent une théorie sociale qui permettrait d'évacuer la violence durant une nuit dans une ville isolée. Mais lorsque l'agressivité des tyrans rencontre la rage des communautés marginalisées, le phénomène va s'étendre au-delà des frontières de la ville, jusqu'à atteindre la nation entière. Alors moi j'avais vu le 1 et le titre c'était The Purge. Oui, la purge, ouais. Mais c'était The Purge. Mais ils ont changé de titre ou... Non. C'est toujours La Purge, en fait. Mais là, ils expliquent les origines de La Purge. D'accord. Bon, bah vous iriez voir quoi, Stéphane? Non, pas très emballé. Je vais avoir d'autres occupations. Ouais, j'imagine, Marine. La Purge. La Purge. Ouais. Ah ouais. On dit ça? Le foot. D'accord, bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Et toi, Sherlock? Moi, Tamara 2, parce que j'ai vu le premier, je l'ai trouvé sympa, donc je voudrais bien voir la suite. Bon, mais la Purge aussi, parce que j'ai jamais vu les American Nightmare. C'est vrai? Ah ouais, moi j'ai vu le premier est sympa. Le premier est sympa, après le deuxième ça devient un peu flou, le troisième. Pff. Et là, le quatrième me fait peur. Quoi, oui. Ah, voilà. Me fait peur. Voilà. Et moi, j'irai voir Sausage Party. D'accord. Encore. J'irai retourner voir Sausage Party. Bon, en parlant de party. Crazy. Et crazy. Crazy Party. Now, yeah. This is, I want you to welcome our guest star. This is Steve H. Laissez bosser un peu. Et on va y aller. Bah, ouais, vous voyez. Tu vas démarrer avec. Dépêche mode. Avec non, avec une chanson. Avec une surprise. Ah. Ouais. Allez, c'est parti, on t'écoute. On m'écoute. Bon, par contre, parle dans le micro quand tu veux parler. Ouais. Allez. En fait, comment ça va Ça, c'était un défi mix d'anthologie. Non, oui. C'était fâche. Ouais. Ah, c'est souvent les défis mix de fin d'émission un petit peu speed. Hein, mais Alors, prête-moi d'un doute, je vais certainement dire une connerie, mais c'est un des derniers titres de Dépêche Mode là. Quand ouais, celui-là, mais il a déjà quelques années. Mais ah, ouais, j'ai reconnu la voix, mais pas du tout le titre. Enfin, je connaissais pas du tout. Mais non, moi non plus. En tout cas, belle session. Oui. Alors, il nous reste quelques minutes, on va dire même, on est des grands princes, il reste 10 minutes pour gagner donc 2 places. Oui, alors pour donc, le Circus Party, donc ça se passe à Moucron sur le parking de Famille Flora, c'est jusqu'au 29 juillet, je vais assez vite. Je vais passer un titre juste après, ouais. Un titre assez court. Il faut juste me donner le nom de la chanteuse. C'est une chanteuse belge. Oui. Vous pouvez chasamer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il me faut le titre. Il me faut le nom. Alors, rappelle quand même que le petit cirque là, il est assez sympa. Il y a pas mal de choses. Oui, oui. Alors c'est sympa. Pour les enfants, pour les adultes. Alors donc, il y a des châteaux gonflables, spectacle de cirque, coin détente, animations diverses et en exclusivité la discothèque pour enfants. Ah, cool. Donc, c'est super. Ouais, bah ouais. Souvent, c'est les grands qui dansent. Bah là, ce sera les petits. J'ai déjà vu. Hein, c'est une discothèque gonflable. Oui, c'est super sympa. Dope, ouais, ouais, c'est sympa. Et les grands, ils peuvent aller aussi. Sympa. Et oui. Ouais, enfin, toi, tu vas peut-être pas rentrer dedans, hein, je te dis, parce que c'est pas très haut. Parce que c'est à cause de la crête, ça. C'est oui, ça. C'est ça. Donc voilà, donc évidemment, vous nous appelez au numéro suivant. Oui, alors au 056 34 11 81, ou si vous appelez depuis la France, au 00 32 56 34 11 81. Alors encore 10 minutes hein, pour nous appeler. Ouais, on vous le rappellera juste après. On reste après la fin de l'émission, hein, juste pour vous. Voilà. Allez, on se quitte là-dessus. Oui, et puis appelez-nous, on vous dira directement si vous avez gagné. Ça marche. Allez. C'est Fâche, merci à toi. Bah, merci à vous, à la prochaine. On se retrouve le mois prochain, premier mardi du mois. Tu seras dispo en juillet. Hein, évidemment. Ah bah, on est déjà en juillet, donc c'est en mois d'août. Ça va super vite. Marine, on te retrouve quand ? Mardi ? Oui, non, mais bien sûr. Mais sinon, après, on te retrouve aussi entre midi et 14h, tous les jours ? Oui, peut-être. Prochainement, c'est pas encore. Ouais, c'est pas encore. Je vais juste me permettre. Bon, on se retrouve la semaine prochaine, évidemment. Oui, avec plaisir. Toujours avec ta bonne humeur. Soir, comme d'hab. Et ta verve. Ouais, et toi ? Ta jolie verve. Je vous donne juste rendez-vous quand même samedi pour mixage à 20h. Hein, ah oui, c'est vrai. Sherlock, merci à toi. Mais je t'en prie. Et puis, restez sur l'antenne de RQC, de RLM. Pardon. Ah, ça y est, je l'ai faite. Honte à moi. Restez sur l'écoute de RLM. Et on se retrouve mardi prochain. Allez, ciao, ciao. Ciao. Let it go. You will see life is better without tears. Well, I'm on my way to paradise. Mon chemin, mon destin, mon bonheur, oh my paradise. Non, rien ne m'arrête, je sais où je vais, oui, où que j'aille. I'm on my way, yes, I'm on my way, hey. Ne te retourne pas, je suis tout. Laisse derrière toi tes peurs, tes déceptions. Quand vient la nuit.